Bonjour, c'est Lucie Inland. J'ai eu l'occasion de rencontrer Grace Lee lors de son passage au festival Dangereuse Lectrice pour un enregistrement en public du super podcast Kif Taras qu'elle co-anime avec Rokhaya Diallo. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour nous, mais j'espère que ça vous donnera envie de l'écouter et de la lire. Nous avons parlé d'héritage culturel par la bouffe et racisme envers les personnes asiatiques. Bonne écoute. Bonjour Grace, est-ce que tu pourrais te présenter tes activités actuelles et ton parcours ? Bonjour Lucie, alors moi je m'appelle Grace Lee, je suis autrice, réalisatrice et je suis co-animatrice de podcast. Tiens, le podcast Kif Taras avec Rokhaya Diallo qui est journaliste, autrice et réalisatrice. Et donc actuellement, je travaille sur mon deuxième roman qui devrait voir le jour en 2021 et on continue la troisième saison du podcast Kif Taras. Et oui, avec un enregistrement tout à l'heure. Donc c'est une deuxième carrière que tu as fait parce que j'ai vu que tu avais fait du droit avant. Oui. Et virage pour retrouver notamment renouer avec tes origines familiales via la nourriture. Donc tu as eu ton blog La Petite Banane, il est toujours alimenté un peu moins, j'ai vu qu'il y avait un peu de mise à jour mais ouais, du coup 9 ans après la création de ton blog La Petite Banane qui a commencé en 2011, quel retour t'en as ? Est-ce que tu as remarqué des améliorations dans la perception qu'ont encore beaucoup trop de gens de la nourriture asiatique, enfin les nourritures asiatiques si on voulait être correct, entre la diabolisation du glutamate, j'ai encore vu des articles sur le sujet cette année, les gens vraiment ils sont pas courants, les soupçons de viande sale qui sont revenus beaucoup avec la crise du coronavirus, avec le fameux ils mangent du pangolin, tu penses que même maintenant t'aurais ouvert le même blog et qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et à faire bouger dans la mentalité des gens? C'est vrai que la nourriture c'était par ça que j'ai commencé. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai écrit, donc t'as cité le blog La Petite Banane que j'ai créé en 2011 parce que j'avais besoin de m'exprimer sur ces questions, surtout parce que c'était pour moi la nourriture la première porte vers mon héritage culturel. Mes parents m'ont transmis beaucoup de choses à travers la nourriture et c'est vraiment pour ça que quand j'ai créé le blog, ça a fait sens en fait, comme on dit maintenant, dans mon parcours. J'ai fait des études de droit et j'avais commencé à travailler dans le milieu juridique plusieurs années. J'étais en quête de ce sens et je l'ai trouvé quand je me suis reconnectée à mon écriture, à une écriture et à mes émotions, à tout ce qui faisait partie de mes identités. Et c'est vrai que la raison pour laquelle j'ai créé le blog, et si je regarde aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a hélas pas beaucoup avancé. C'est-à-dire que les mêmes stéréotypes négatifs et les mêmes clichés, les mêmes préjugés que subissaient les communautés asiatiques en 2011, je ne peux pas dire qu'on soit totalement débarrassé. Évidemment, il y a eu quand même des progrès, il y a des personnes qui ont alimenter une déconstruction collective, mais les idées sont encore fortes et la crise du Covid-19 a hélas exacerbé ces clichés de vous mangez des choses bizarres, ah oui, vous mangez du pangolin, de la chauve-souris, alors que des chercheurs ont émis l'idée que le pangolin n'était pas grand chose en réalité et que la destruction des habitats et la destruction des écosystèmes naturels dans lesquels le pangolin habitait, ça c'est un vrai souci. Donc on se focalise toujours sur ce qui nous arrange et finalement on trouve c'est un bouc émissaire plutôt qu'une responsabilité collective. Exactement. Ce qui est extrêmement raciste comme approche, en plus d'être complètement idiot et pas en voir le bout, quand même incroyable de dire en 2020 on est encore en train d'écouter les mêmes On m'a même envoyé des réflexions d'un collectif de juristes internationaux qui se demandaient si on pouvait poursuivre la Chine en responsabilité par rapport à ça. C'est-à-dire que même des gens très intelligents, d'ailleurs, je dis pas que les juristes sont intelligents forcément, mais en tout cas qui connaissent le métier, et qui sont en train de chercher au plan international une raison pour poursuivre une nation pour le Covid-19, alors que il n'est pas établi que c'est d'une responsabilité unique. Du coup, tu as réussi à pouvoir quitter ta première carrière pour te lancer dans l'écriture. Du coup, comment ça s'est fait, la bascule ? Tu as réussi à faire ça progressivement ou tu as vraiment inscrit ça dans un récit de vie à refaire ? Donc, tes parents sont chinois du Cambodge. Oui. Tu as peut-être eu un truc à un moment donné qui a fait que... Alors, je pense que c'est vraiment lié à ma maternité. Avant d'être mère, j'avais pas mis au centre de ma vie moi-même. C'est-à-dire que voilà, j'avais fait des choses pour mes parents parce que j'avais reçu beaucoup de pression familiale quant à l'avenir. Mes parents qui avaient tout abandonné à un moment de leur vie pour tout recommencer en France. Pour eux, c'était très important que moi, j'ai un diplôme. Et c'est vrai que cette pression, je l'ai transformée en moi comme étant il faut que j'ai un travail qui les rende fiers. Et c'est vrai que c'est ça que j'ai fait quand j'ai obtenu un diplôme en droit. J'ai vu que ça scellait ma part du contrat. Ils ont fait des sacrifices et bon, bah, moi aussi j'en ai fait. C'est comme ça, le deal était rempli des deux côtés et après tu t'es dit bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait. Voilà, disons que je me suis dit bon, maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire. Et c'est vrai que l'écriture, c'était quelque chose que j'avais toujours voulu faire. Et quand je suis devenue mère, je me suis vraiment, j'ai eu ma prise de conscience personnelle en me disant mais là je suis responsable de quelqu'un d'autre et il faut vraiment que je puisse raconter autre chose à mon enfant que bah tu sais j'ai fait ça pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Ça c'était pour moi un discours qui n'était pas audible quand tu deviens responsable de voilà, j'avais envie que eux-mêmes fassent des, et j'avais pas envie de perpétuer ce que mes parents, mes enfants, je ne me suis pas sacrifiée pour eux. Hein. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, le privilège de ne pas me sacrifier pour eux. Et donc, du coup, je veux qu'ils sachent aussi que mes parents, ils l'ont fait pour que je fasse ce que je veux, même s'il y avait eu des manières de leur prouver que j'avais réussi. Et ce diplôme, ce bout de papier en faisait partie. Mais mes enfants n'ont pas vécu le dixième de ce que mes parents ont vécu en termes de surmonter l'exil, de surmonter beaucoup de choses qui vivent et que beaucoup de gens vivent dans ce monde. Et qu'on ne peut pas se représenter si on ne les a pas vécues. Enfin, moi, la première, moi, j'écoute quand même, mais je ne sais pas du tout ce que ça fait. J'ai fait 200 km dans ma vie, quoi. C'est tout. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que je n'ai pas... Voilà, mes enfants, je leur dis, mais moi, j'ai fait ce que j'ai voulu faire parce que on m'a donné les clés et j'aimerais leur donner aussi des clés pour qu'eux fassent la même chose et de se réaliser complètement. Voilà. Et donc, avec l'écriture, ça m'a permis de toucher du doigt des choses que j'avais toujours voulu exprimer, que ce soit mon héritage, que ce soit une certaine vision de la France, ma France, cette France qui a accueilli mes parents, qui a donné, m'a donné des chances de vivre ici avec d'autres Français et qui aujourd'hui est pleinement mon pays. Oui, tout en ayant aussi un lien autre, mais c'est l'histoire commune de plein de Français. Voilà. J'imagine que le fait d'être mère pose aussi la question de la transmission, et sachant que si on ne leur raconte pas l'histoire de ses parents avant, ça coupe forcément de quelque chose de très important, surtout que, oui, chinois du Cambodge, j'imagine que c'est une histoire très particulière, qu'en plus, c'est pas connu en France, qu'on ne nous apprend pas, donc il y a peut-être le truc de « il faut que je leur apprenne, sinon personne ne leur dira ce qui s'est passé ». Moi, j'ai lu quelque part, alors, par contre je suis très mauvaise en nom, je suis vraiment désolée si je ne cite pas César, parce que vraiment, j'ai lu quelque part que les gens ne disparaissaient pas vraiment jusqu'à ce que la dernière personne qui se souvienne d'eux sur Terre parle d'eux, etc. Donc en fait, on continue à parler des gens qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui, et donc moi, il y a des gens que je n'ai pas connus, mais on m'a raconté ce qu'ils avaient fait, et même si on ne m'a pas assez raconté, parce qu'il y a eu la guerre. Alors, c'est la guerre, c'est la phrase que j'ai beaucoup entendue et qui coupait court à toute ma sensation. C'est-à-dire que quand on dit c'était la guerre, après, tu ne poses plus de questions. Mais avec l'âge, j'ai réussi à quand même surpasser mes propres inhibitions en me disant oui, d'accord, c'était la guerre, mais est-ce que tu peux m'expliquer comment en fait on vit dans la guerre et qu'est-ce qu'on a quand même des désespoirs. Et pour les personnes qui ont pu m'expliquer, parce que tout le monde ne peut pas, tout le monde ne veut pas, et ça pour un jour, je le respecte. Tout le monde n'a pas envie, n'est pas apte. Personne dans ma famille, donc j'ai un oncle qui m'écrit, qui a bien voulu m'en parler, du coup, je pose plein de questions. Et donc, il m'explique comment c'était la vie avant, puis la vie pendant la guerre, et puis ensuite l'exil, etc. Et je me dis que tant que j'en parle, tant que moi j'en parle, comment parle, tant que moi aussi j'en parle à travers des petites histoires qu'on raconte à mes enfants et à d'autres, on continue cette histoire-là. C'est des histoires qui se succèdent et ça fait partie de la grande histoire. Donc, la fiction là-dedans est très importante, enfin, les récits, la fiction, tout, le documentaire, enfin, tout ce qui est de l'ordre de la narration, de parler, d'écrire, c'est très important parce qu'on continue de faire vivre ces gens à travers nos récits et de faire vivre leurs histoires à travers celles qu'on raconte aujourd'hui. Oui, puis c'est ce qui est important pour essayer de couper court aux stéréotypes qui sont toujours très réducteurs. Enfin, c'est une espèce de représentation à plat, bête. Et donc, le fait que, les récits de vrais gens, qu'on puisse vraiment se figurer, peut aussi permettre d'avoir un regard un peu plus intelligent, permettre de connaître les parcours de vie. Et du coup, avec le podcast Kif Taras, c'est pareil, ça permet aussi Ça a été quoi le déclic? C'est toujours continuer la conversation sur la représentation. Alors pour le coup, on sort de la sujet de la cuisine. Mais non, il y a si si il y a eu un épisode sur où ça a déjà parlé de alors, bouffe. Je crois. Alors aujourd'hui, on va enregistrer au Festival d'Enjeux électrices un épisode spécial sur les rapports entre la nourriture et les questions raciales. Ah. Mais je pense qu'on en parle de manière par touche, en fait, parce que oui. Ça fait partie de nos vécus, ça fait partie de notre construction identitaire, hein, de bah, qui on est, qu'est-ce qu'on mange, parce que bon, on mange 3 fois par jour, donc c'est un épisode ça... de casserole, par contre. Ah oui, c'est ça, c'est dans Casserole avec Zazie Tavitian. C'est vrai qu'on a fait cet épisode. Oui, c'était un épisode sur la cuisine chinoise et les stéréotypes négatifs associés à la cuisine chinoise. Et qui n'est pas si vieux que ça, pour non, le coup. Non, non, c'était l'un des premiers épisodes que j'ai enregistré, moi, chez Binge Audio, donc c'était vraiment à l'automne 2018, il me semble, donc c'est pas si loin finalement. Vous allez faire un épisode spécial bouffe, bah, j'espère que je pourrai l'écouter tout à l'heure, sinon je l'écouterai. Oui, sinon il sera disponible après, oui. en plateforme. Et tu peux en parler très très très vite fait. L'épisode va sortir vraiment, il sort vraiment pas tout de suite là. Donc, D'accord. Alors oui, du coup, d'évoquer comment les questions culinaires, les questions gastronomiques font partie des discours raciaux, racistes, parce que évidemment, dans le mot culture, dans le mot héritage culturel, il y a, en tout cas pour moi en tant que personne asiatique, une place assez proéminente de la nourriture, puisque les saveurs de l'enfance de mes parents, c'est comme ça qu'ils m'ont beaucoup transmis aussi, en me disant « Ah, je mangeais ça quand j'étais au marché, à Psat Mei, à Phnom Penh, c'est ça que je mangeais le matin, au petit déjeuner, etc. » Et ça fait partie pour moi de ma construction en tant que personne chinoise cambodgienne de France. Et j'ai pu m'imaginer ce que mes parents vivaient parce qu'ils mangeaient des choses que je mangeais moi aussi. Et de façon générale, c'est l'accès qu'on a aussi, et moi je parle aussi d'expérience, ayant très peu voyagé, mais accès à des restaurants, mais il faut trouver les bons restos, la bonne manière d'en parler et pas non plus avoir des attentes qui deviennent un peu questionnables, genre l'attente du restaurant asiatique chinois avec des gros R guillemets qui doit forcément être pas cher parce que sinon c'est vu comme étant très suspicieux Et là aussi on se rend compte que la manière dont les différentes cuisines sont présentées quand les gens en parlent entre eux, on se rend compte qu'effectivement c'est pas juste de la nourriture et qu'il y a d'autres questions à poser derrière. Il y a beaucoup de racisme anti-asiatique qui se base sur les questions culinaires. Donc, oui. Vous mangez des trucs bizarres, vous mangez du pangolin, vous mangez des chauves-souris, vous mangez des rats, vous mangez du chien. Et aussi, la question de la propreté, comme tu l'as dit, est hyper importante. C'est sale. On m'a souvent dit, je connais un très bon restaurant chinois, mais il est très propre. Donc, cette phrase, mais il est très propre, ça m'a toujours vraiment choquée en me disant, mais t'inquiète pas, tu ne tomberas pas malade, tu n'auras pas de syndrome du restaurant chinois. Syndrome du restaurant chinois? Non, mais des restaurants sales, il y en a partout en général. Alors, le syndrome du restaurant chinois, c'est lié au monoglutamate de sodium, donc le E621, qui est donc un exhausteur de goût et un conservateur. Voilà. Donc ça, on pense qu'on a beaucoup de maux de tête quand on mange du E621, alors qu'en fait, il y en a dans les chips, il y en a dans les plats préparés de chez William Sorin. Mais donc, oui, les gens ont vrillé totalement avec ça, en se disant, on voit ça dans des cuisines de gens, c'est bizarre, parce qu'on n'en voit pas normal. Non, si vous en mangez autrement, c'est juste que vous ne faites pas attention, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça... j'imagine qu'il y a d'autres articles qui creusent la question, mais j'ai trouvé ça hyper bizarre, la fixette des gens sur la question. Je suis genre, mais vous cherchez vraiment le problème là où il y a lieu d'être? T'as des projets pour la suite? Oui, ben on continue la saison de Kif Taras, la saison 3, qui a commencé là et qui va suivre son cours en 2021. Et moi, j'ai un ouvrage qui est prévu pour l'année prochaine, donc j'espère qu'il va vraiment venir. Bon, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucie. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez vous abonner au podcast pour suivre tous les épisodes passés et à venir sur votre application préférée et lui mettre plein d'étoiles et de gentils commentaires sur Apple Podcasts. Vous pouvez me contacter sur Twitter @lucie_inland et Instagram @lucieinland en un mot, ainsi que Studio Dilettante sur Twitter @studilettante. Merci à eux pour leur soutien matériel, Adrien Bibard en particulier. À bientôt.